Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, un livre qui fait couler encre et tweet. Il s'agit de l'ouvrage de Johann Chapoutot, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. L'historien y explore les atomes crochus des théories du management en cours d'élaboration dans l'entre-deux-guerres avec celles du nazisme qu'il explorait déjà en profondeur dans son ouvrage précédent, La loi du sang. Sa démonstration s'appuie sur le parcours de Reinhard Höhn, éminent juriste nazi employé après-guerre à la formation de près de 500 000 cadres en Allemagne de l'Ouest dans les années 50 et 70. Y apparaissent l'émulation par la promotion d'un idéal de dépassement de soi-même ou encore la mise en concurrence des acteurs de la force publique pour atteindre ici un objectif criminel. Tout un vocabulaire réemployé par les administrations nazies pour diriger leurs agents. Un darwinisme social qui ne laisse aucune place à ceux qui échouent dans leur mission. Accueilli avec enthousiasme par les médias, l'ouvrage et son auteur font aussi l'objet de critiques acerbes. Florent Georgesco dans les pages du Monde et Guillaume Erner sur le site de France Culture reprochent à Johann Chapoutot de reléguer le génocide des Juifs d'Europe au second plan pour se consacrer à sa démonstration et un rapprochement abusif des inspirations nazies et managériales. Dans l'Obs, Éric Eschiman salue un travail de généalogie intellectuelle et historique stimulante, tout en soulignant une même gêne face à une affirmation qui est peut-être au cœur de ce débat et de la réception de ce livre, l'histoire du nazisme ne se limite pas à la Shoah irréductible. L'ouvrage de Laurent Olivier, Nos ancêtres les Germains, en 2015, s'attelait à montrer que les constructions intellectuelles nazies dans le champ de l'archéologie n'avaient pas cessé de circuler avec la découverte des camps de la mort. La réception de cet ouvrage, lui aussi consacré aux traces du nazisme dans notre époque contemporaine, avait reçu un accueil sceptique, voire hostile, parmi ses collègues. Dans le cas de ces deux ouvrages, la réception contrastée mêle tour à tour enthousiasme et indignation. Pourtant, n'est-ce pas le rôle des historiennes et des historiens de regarder leur objet sous différents registres d'analyse? Si le sous-titre du livre de Chapoutot pêche par un rapprochement brutal entre ces deux termes, le management du nazisme à nos jours, l'auteur n'attribue en aucun cas les origines du management au nazisme et rappelle d'ailleurs ses développements contemporains aux États-Unis. Cette contraction d'une pensée nuancée a également mis en effervescence les réseaux sociaux, réagissant au seul titre sans s'occuper d'explorer le contenu de l'ouvrage avant de spéculer sur son contenu. L'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe n'est en aucun cas relégable et mérite, comme le font Johann Chapoutot et Laurent Olivier, que l'on analyse l'organisation et les constructions intellectuelles d'un régime nazi qu'il a mis en œuvre. Merci Anaïs Quien. Et pour retrouver le journal de l'histoire et les liens pour aller plus loin sur le thème du jour, rendez-vous sur notre site franceculture.fr.